Scène 7. La cour du palais pleine de peuple. Père Ubu couronné, Mère Ubu, Capitaine Bordure, Larbin chargé de viande. Voilà le roi ! Vive le roi ! Hourra ! Tenez, tenez, tenez, voilà pour vous. Ça ne m'amusait guère de vous donner de l'argent, mais c'est la mère Ubu qui a voulu. Au moins, promettez-moi de bien payer les impôts. Oui, oui. Voyez, mère Ubu, s'il se dispute cet or, quelle bataille. Il est vrai que c'est horrible. Pouah, en voilà qui a le crâne fendu. Ah, quel beau spectacle! Amenez d'autres caisses d'or! Si nous faisions une course! Oui, oui, oui, c'est une idée, ça. Au peuple. Mes amis, vous voyez cette caisse d'or? Elle contient 300 000 nobles à la rose en or, en monnaie polonaise et de bon aloi. Que ceux qui veulent courir se mettent au bout de la cour. Vous partirez quand j'agiterai mon mouchoir et le premier arrivé aura la caisse. Quant à ceux qui ne gagneront pas, ils auront comme consolation cette autre caisse qu'on leur partagera. Vive le père Ubu ! Quel bon roi ! On n'en voyait pas tant du temps de Venceslas. Écoute-les. Tout le peuple va se ranger au bout de la cour. Une, deux... Trois, y êtes-vous ? Oui, oui. Partez !